dans les vitrines, les magazines, maudit Clamond est beau. Dans les annonces de Roberto, Caroline Clamond est beau. Quand il va chercher son Oscar, maudit Clamond est beau. Dans un décapotable de char, les Pierrettes se trouvent là. Appelle la bicyclette tous les samedis. Jeans, le pis des faux trous, maudit que le monde est beau. Pochette, café, pis on dit Salvio, Caroline, que le monde est beau. En pleine campagne électorale, et que le monde est donc beau. À l'hôtel de ville de Montréal, les pierres se trouvent là. À faire de la bicyclette, tous les samedis. Oh, oh, oh, oh, yeah. Oh, la pierrette qui fait là. Quand ils gâtent la banlieue,